En ce moment, le père Goriot ouvrit les yeux, mais par l'effet d'une convulsion. Le geste, qui révélait l'espoir de la comtesse, ne fut pas moins horrible à voir que l'œil du mourant. « M'entendrait-il ? » cria la comtesse. « Non, » se dit-elle, en s'asseyant auprès de lui. Madame de Restaud, ayant manifesté le désir de garder son père, Eugène descendit pour prendre un peu de nourriture. Les pensionnaires étaient déjà réunis. « Eh bien, lui dit le peintre, il paraît que nous allons avoir un petit mortorama là-haut. »« Charles, lui dit Eugène, il me semble que vous devriez plaisanter sur quelque sujet moins lugubre. »« Nous ne pourrons donc plus rire ici, » reprit le peintre. « Qu'est-ce que cela fait, puisque Bianchon dit que le bonhomme n'a plus de sa connaissance ?»« Eh bien, » reprit l'employé du muséum, « il sera mort, comme il a vécu. »« Mon père est mort !» cria la comtesse. À ces cris terribles, Sylvie, Rastignac et Bianchon montèrent et trouvèrent Madame de Restaud évanouie. Après l'avoir fait revenir à elle, ils la transportèrent dans le fiacre qui l'attendait. Eugène la confia aux soins de Thérèse, lui ordonnant de la conduire chez Madame de Nucingen. « Oh, il est bien mort, » dit Bianchon en descendant. « Alors, messieurs, à table, » dit Madame Vauquer, « la soupe va se refroidir. »